professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Suis-je un artiste ? Quel rôle joue cette autodéfinition dans les critères de professionnalité liés aux activités de talent dans le monde des arts ? Demande le sociologue Pierre-Michel Menger. Pourquoi promouvoir l'ingénium ? Comment juger et évaluer les œuvres ? Comment définir l'indéfinissable du couple talent-génie ? Ce je ne sais quoi, cher à Félibien avant Jean Kélévitch, nous dit avec malice Pierre-Michel Menger. Qu'est-ce que le charisme, la grâce, l'expression ? Pourquoi acheter le talent, la main du maître, au XVIe-XVIIe siècle ? Quelle relation entre mécènes et peintres ? Qu'est-ce que la balance des peintres de Roger de Pile ? Pierre-Michel Menger, directeur d'études à l'EHESS et professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, poursuit son exploration du talent et du génie dans le monde des arts et dans les industries créatives, dans le cadre de la grande enquête qu'il a initiée en 2017 sous le titre « Qu'est-ce que le talent ?» élément de physique sociale des différences et des inégalités. Dans le cours précédent, le sociologue s'est interrogé sur les définitions du périmètre artistique. Aujourd'hui, il s'interroge sur la question de la professionnalité. Quels sont les champs d'interaction et d'évaluation qui entrent en jeu dans le monde des arts, dans la compétition entre artistes, dans les relations entre les créateurs et leurs juges, mécènes, commanditaires, publics ou privés, publics éclairés, jurys, directeurs de galeries, journalistes, critiques d'art, etc. Comment le concept de talent s'est-il agressivement déployé, je reprends la formule du sociologue, avec des effets spectaculaires ? Quels sont les trois principes de valorisation du talent dans les arts ? Comment motiver la hiérarchie des réussites individuelles ? Quel est le caractère non rationnel du noyau de singularité des œuvres ? Dans sa leçon inaugurale, Pierre-Michel Menger rappelait, je le cite, que toute évaluation est une opération de mesure. Dans des univers de production infiniment différenciés, la diffusion d'une culture de la mesure des qualités et de leur commensurabilité paraît être un outil de perfectionnement de la concurrence. C'est le cas si elle permet de réduire l'exploitation stratégique des asymétries d'information et de corriger l'influence des hiérarchies de réputation devenues plus durables que légitimes et les rentes qui leur sont associées. Mais une culture du raisonnement et de l'action fondée sur la comparaison et le benchmarking affaiblit le pouvoir émancipateur de la mesure si elle oublie la part d'arbitraire de celle-ci. Et c'est bien à toutes ces incertitudes et à ces indéfinissables que Pierre-Michel Menger nous confronte aujourd'hui de manière stimulante entre enquête sociologique et histoire sociale de la notion de génie. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 10 février 2017 pour le cours de Pierre-Michel Menger, la question du talent dans les arts et les industries créatives. Une fois que j'ai parlé des domaines, maintenant je parle des individus, selon mon principe. Les critères de professionnalité et leur contestabilité. Après le problème posé par l'identification des activités qui reçoivent la qualité de profession artistique, le second problème tient à la détermination des critères de professionnalité qui permettent de définir un seuil univoque d'exercice professionnel dans les activités recensées comme artistiques et donc de séparer un exercice professionnel de pratiques non professionnelles, extra-professionnelles ou amateurs. Dans chacune des professions qui sont identifiées comme artistiques, la question est toujours lancée : qui donc doit être identifié et compté comme artiste ? L'étude des professions artistiques met en évidence un problème qui est tout à fait inhabituel. La définition d'une profession par le savoir et par les compétences qui qualifient la revendication d'une expertise atteint sa limite si l'expertise est graduée selon des écarts de réputation et pas selon des écarts de diplomation, et si elle s'exprime dans la probabilité de tirer de son activité artistique un niveau suffisant de rémunération. C'est par exemple un critère qu'adoptent les systèmes de protection sociale des écrivains. Dans les arts, les écarts de réputation et de rémunération sont considérables et la corrélation entre les niveaux de formation et les niveaux de réputation et de rémunération est beaucoup plus faible que dans les autres professions supérieures. D'où évidemment le problème de recourir à une pluralité de critères de professionnalité qui se font concurrence en fonction des objectifs des groupes et des institutions qui cherchent à en faire reconnaître la légitimité, sinon l'exclusivité, dans les procédures et les dispositifs sociaux et économiques d'attribution de professionnalité. Je vous cite ici les 8 critères possibles de professionnalité artistique, tels qu'ils ont été listés par 2 économistes, Bruno Frey et Werner Pomeren, dans un livre qui a été traduit en France en 1993 sous le titre « La culture a-t-elle un prix ?» et qui faisait un bilan de tout un ensemble de recherches et de débats sur ces questions-là. Et on peut définir la profession de 8 manières possibles. Le temps passé à travailler, encore faut-il pouvoir le mesurer, mais on a des enquêtes qui essaient de mesurer cette dimension-là. L'importance des revenus, comme je l'ai dit, c'est un critère utilisé souvent pour l'attribution des droits ou pour l'autodéfinition des artistes. Le fait d'être considéré comme artiste par le public, il existe toutes sortes de moyens de le faire. Le fait d'être reconnu par les autres artistes, quand on fait des enquêtes, on peut utiliser la méthode des juges. Qui donc considérez-vous comme un artiste dans cette liste ? La qualité du travail produit, ce qui implique qu'on doive adopter une décision sur la qualité d'une façon ou d'une autre. Par exemple, est-ce qu'ils ont été exposés, par qui, où ça, et on peut faire des combinaisons de critères pour hiérarchiser les lieux. Ça avait été fait notamment dans un travail de Raymond Moulin et Jean-Claude Passeron sur les artistes. Quand ils ont déclenché une grande enquête sur les artistes, ils ont utilisé plusieurs de ces critères en compétition les uns avec les autres pour définir une stratification de la population artistique avant de la mettre en regard de l'analyse des propriétés des artistes, des propriétés d'origine sociale et de situation individuelle et de réputation. On peut utiliser aussi la qualification, les diplômes ou la réponse à la question « suis-je un artiste ?». Le dernier critère que je viens d'énoncer, c'est l'autodéfinition « suis-je un artiste ?». C'est un critère qui a été promu au rang de critère définitoire dans cette citation de l'UNESCO. Quand l'UNESCO a produit une recommandation relative à la condition de l'artiste, a écrit ceci. On entend par artiste toute personne qui crée ou participe par son interprétation à la création ou à la recréation d'œuvres, qui considère sa création comme un élément essentiel de sa vie, qui ainsi contribue au développement de l'art et de la culture et qui est reconnu ou cherche à être reconnu ou cherche à être reconnu en tant qu'artiste, qu'elle soit liée ou non par une relation de travail ou d'association quelconque. Le mot « condition » désigne d'une part la position que sur le plan moral l'on reconnaît aux artistes définis ci-dessus dans la société sur la base de l'importance attribuée au rôle qu'ils sont appelés à jouer et d'autre part la reconnaissance des libertés et des droits, y compris moraux, économiques et sociaux, notamment en matière de revenus et de sécurité sociale dont les artistes doivent bénéficier. Vous voyez qu'on a là une assez forte extension possible de la définition de la professionnalité qui promeut en quelque sorte l'argument de l'autodéfinition et qui, d'une certaine manière, disqualifie en partie les efforts de la raison statistique ou de la catégorisation statistique qui chercherait à produire des indices ou des faisceaux d'indices sur la base de dimensions plus faciles à quantifier que l'intention d'être artiste. Voilà des variations sur le problème de la professionnalité qui montrent combien, quand on va vers la définition la plus extensive, on prend en compte la totalité de la dimension individuelle comme une totalité insécable. L'intention elle-même, c'est d'une certaine manière promouvoir l'ingénium de l'étymologie en critère de professionnalité. Mais cette économie politique de la qualification des activités et des personnes dans les mondes artistiques a une autre dimension qui est aussi assez directement actuelle, parce que la requalification notamment de la sphère artistique en secteur des industries créatives a opéré certes à la jonction de plusieurs évolutions, mais dont l'une importante concerne le problème de l'emploi. Un des arguments de la Creative Industries Policy, c'est la consécration des valeurs associées à la créativité, c'est-à-dire flexibilité et adaptabilité du comportement individuel, goût du risque, capacité de réaction à l'imprévu, aptitude à la pensée divergente et intuitive, c'est une des qualifications de l'état de créativité, et valorisation de la diversité des équipes, de la composition des équipes dans un système de travail. Les effets de cette redéfinition sur la situation d'activité des creative workers constituent un défi pour les politiques sociales de l'État-providence, car la combinaison de flexibilité de l'organisation par projet et de risques individualisés de sous-emploi est ici poussée à un degré élevé et peut conduire à solliciter considérablement les mécanismes de protection sociale. Et c'est ce que révèlent notamment des critiques qui ont été portées en Grande-Bretagne contre la célébration des Creative Industries comme un nouvel Eldorado économique, sans que le pays offre des filets de sécurité qui sont comparables à, par exemple, la flexi-sécurité française inventée dans les années 60 et reconsolidée depuis les années 80. Et on a affaire à des critiques contre les dysfonctionnements majeurs des systèmes d'emploi dans ces industries créatives, beaucoup de candidats à la carrière du fait de l'attractivité des métiers et du fait de faibles barrières à l'entrée, mais aussi du fait de la dispersion de la demande de travail sur un grand nombre d'aspirants professionnels via des contrats courts, via le freelancing, via des combinaisons flexibles d'activités. Je vous cite un texte de Angela McRobbie, qui est une professeure à Goldsmiths College et qui est d'ailleurs aussi membre de la Royal Academy of the Arts. Donc on peut être critique sévère et académicien. Et qui dénonce en quelque sorte cette combinaison de jeunesse, de talent et de culture qui a fourni à la politique de Tony Blair, comme elle dit, un vernis égalitaire, notamment parce que certaines carrières artistiques étaient le fait d'artistes d'origine modeste, comme Damien Hirst ou Tracy Emin. Et dans ce texte, Angela McRobbie met en avant la combinaison de trois caractéristiques. La jeunesse, ce qu'elle appelle « permanently transitional work », c'est-à-dire on est dans un état permanent de transition entre des états, travail, non-travail, loisirs, sous-emploi, chômage, etc. Et enfin, créativité, qu'elle définit comme « the sovereign space for finding pleasure in work », l'espace souverain pour trouver du plaisir dans le travail. Et elle procède donc à une dénonciation critique d'une nouvelle méritocratie proposée aux jeunes par le New Labour de l'époque, à la fin des années 90 et d'une certaine manière qui est en place depuis. Et l'argument est beaucoup centré sur ce concept de talent qui est agressivement déployé avec des effets spectaculaires, comme elle le dit. Je vous laisse éventuellement lire le texte dans son entier. Vous le trouverez dans un ouvrage de Paul Duguay et Mike Pryke, qui s'appelle « Cultural Economy, Cultural Analysis and Commercial Life ». On peut d'ailleurs trouver de nombreuses analyses britanniques issues plus récemment des sciences sociales qui sont tout aussi critiques. Elles ne sont pas toujours très solidement documentées, elles sont très bien argumentées sur le plan de la rhétorique critique, mais pas toujours très bien documentées, mais elles insistent toutes sur ce mélange éventuellement détonnant de valeurs séduisantes, talent, créativité, autonomie, et de réalités beaucoup moins séduisantes, inégalités internes, déséquilibres auto-entretenus entre l'offre et la demande, défaut de protection sociale à court terme et défaut d'organisation à long terme des sécurités de carrière, par exemple dans la question des retraites. J'en reviens maintenant à la question, donc après cette analyse d'une interaction entre les trois variables que j'utilise, je reviens donc à ces trois variables. Valoriser un domaine. Pour valoriser le talent, il faut valoriser le domaine. Et le sujet a été l'objet de beaucoup de variations dans l'histoire. Platon voulait chasser les poètes de la cité. Les artistes ont été longtemps assimilés à des artisans avant de devenir des alter deus, l'équivalent des dieux. La Renaissance y a contribué, mais lentement. Les corporations ont maintenu, comme je l'évoquerai un peu plus tard, une prise importante sur les carrières artistiques. Et Léonard de Vinci pouvait dire « l'artiste est un savant, mais parce qu'il connaît la nature et sait prélever dans la nature l'essentiel du savoir qu'il doit acquérir, donc à travers une forme supérieure d'imitation. » Et la deuxième caractéristique, c'est évidemment celle du travail, qui permet d'attribuer à l'individu artiste les qualités d'un professionnel et de légitimer éventuellement des écarts de réussite. Et la troisième caractéristique, c'est la contribution du champ artistique, c'est-à-dire produire des critères d'évaluation au sein de ce champ artistique. Ce modèle à trois composantes pousse à explorer non pas simplement la sémantique du talent, mais aussi la différence qui a été créée et élargie progressivement entre ce qui s'appelle talent et ce qui s'appelle dans les arts génie. Et ici, je vais m'appuyer sur des enquêtes historiques comme celle de l'historien d'art Rudolf Witkower ou bien du philosophe Ernst Cassirer ou bien du spécialiste de littérature Roland Mortier, mais aussi sur un ouvrage plus récent de Darren McMahon, qui est consacré à l'histoire du génie, qui s'appelle The Divine Fury, qui est paru il y a peu de temps, et qui a d'ailleurs été traduit. Alors, évidemment, je vais simplifier l'exploration pour localiser les attributs essentiels de ce qu'on appelle talent et, par contraste, génie. Parce qu'à un moment donné, les deux notions font système et font couple. Le talent caractérisait dans l'Antiquité l'idée que l'artiste ou le poète naisse avec une disposition particulière et ce trait est ensuite resté constant dans les écrits des artistes et dans les traités de peinture ou de poésie. Par exemple, Léonard de Vinci disait que la peinture ne peut pas être enseignée à ceux qui ne sont pas naturellement doués. Et l'Aretin, en 1547, dit que l'art est un don d'une nature généreuse qui est accordé dès le berceau. Il y a, si vous voulez le regarder, il y a une compilation très intéressante de Ernst Kriss et Otto Kurz, qui date des années 30, qui s'appelle L'image, qui a été traduite sous le titre L'image de l'artiste, et qui explore les fables et les légendes qui se sont accumulées sur la vie d'artistes. Ils ont parcouru la littérature sur les arts, depuis l'Antiquité grecque jusqu'à leur époque, pour mesurer la récurrence de thèmes comme le don inné, la précocité, l'autodidaxie, le hasard de la découverte et de la consécration du talent. Et ces traits ont tous en commun de transformer l'engagement artistique en une vocation et l'artiste en un personnage charismatique. Vous verrez que le mot « charisma » et son origine « charis », qui veut dire « grâce », joue un rôle essentiel ici, et on le retrouvera un peu plus tard. Donc, ces traits ont en commun de transformer l'engagement artistique et l'artiste en un personnage charismatique qui est mu, pour peu que la chance lui vienne en aide, par le seul besoin de s'accomplir dans l'expression de soi. En fait, ce stéréotype, il a une propriété, il sert à conjurer l'incertitude sur les chances de réussite dans ces carrières-là à travers des phénomènes de ce qu'on appelle une rationalisation a posteriori. On nie en quelque sorte les dimensions de choix et d'incertitude à travers le schème de l'appel irrésistible de la vocation. On efface l'aléa de la réussite derrière le motif de la prédestination. Et la prédestination, c'est par exemple ce qui figure dans l'image de la précocité du talent. On nie l'épreuve de l'acquisition des compétences à travers l'image de l'évidence du don. Et voici la citation qui résume cette, en quelque sorte, mythologie. Tout pousse l'enfant à accomplir un jour de grandes œuvres, la série de hasards qui conduisent à la découverte de son talent et ultérieurement à sa brillante ascension est en fait donnée dans l'énoncé biographique comme la conséquence inéluctable de son génie. Son statut d'enfant prodige, déjà miraculeux en soi, exprime les faveurs spéciales qui lui ont été accordées par le ciel. Donc, on peut dire que cette reconstruction par rationalisation, c'est une réponse psychologique et idéologique à un problème complexe qui est celui du comportement et de l'action en horizon incertain. L'incertitude du succès contribue certainement au prestige social des professions artistiques et à la magie même d'activités qui sont devenues le paradigme du travail libre, non routinier, idéalement épanouissant, alors même que cette activité engendre aussi des disparités, des écarts considérables de conditions entre ceux qui réussissent et ceux qui sont relégués aux étages inférieurs de la pyramide de la notoriété. Le talent, deuxième trait, dès la Renaissance, ne veut plus être associé à des mesures ordinaires de la valeur du travail. Le travail laborieux, lent, graduellement perfectionné, longuement appris et limité dans son développement par des règles d'organisation collective du travail et de régulation de la concurrence, voilà ce qui est le propre de l'artisanat et de l'organisation des guildes. Rudolf Wittkover, mais aussi Michael Baxendale, sur lequel je vais m'appuyer beaucoup maintenant, rappelle par exemple comment un archevêque de Florence, Saint Antonin, qui a aussi écrit une Summa Theologica, une somme théologique, prend l'exemple des artistes pour affirmer que la rétribution du travail doit être fixée dans les professions supérieures en fonction du talent individuel et de l'expérience accumulée plutôt qu'en fonction de la quantité d'efforts accomplis. Je viens de parler de Michael Baxendale et je vais revenir sur un livre magnifique qu'il a écrit qui a été traduit en français sous le titre « L'œil du Quattrocento ». Le titre anglais, c'est « Painting Experience in 15th Century Italy ». Et l'ouvrage est devenu un grand classique de l'histoire de l'art et de l'histoire sociale de l'art. L'analyse de Baxendale porte sur les relations entre les peintres et les commanditaires de leurs œuvres en Italie au XVe siècle et sur les schèmes de jugement et d'appréciation dont pouvaient disposer les spectateurs artistes, critiques, commanditaires au premier rang ou public profane pour recevoir, interpréter, évaluer les œuvres. Donc les deux aspects, les relations de travail et le jugement. Et Baxandall exploite de manière tout à fait originale les contrats entre les peintres et leurs commanditaires, les correspondances, les livres de comptes et les écrits des peintres et de tous ceux qui étaient auteurs d'écrits sur la peinture de l'époque. Et l'argument général, c'est qu'un déplacement advient. Dans une relation de commandite stricte, le patron, le mécène, comme on l'appelle traduit en anglais « patron », qui commandait l'œuvre, si on était dans une relation stricte de commandite, le mécène ou le commanditaire spécifiait tout un ensemble de caractéristiques de l'œuvre qu'il souhaitait, et ces spécifications étaient la base de la tarification du prix de l'œuvre. Les couleurs à employer, qui pouvaient être très chères, le bleu, outre-mer et l'or étaient des matériaux très chers, la taille de l'œuvre et donc la surface à peindre, mais aussi le nombre de figures à peindre sur l'œuvre, qui demande plus de travail et plus d'habileté, et donc aussi la quantité de travail nécessaire à la réalisation de l'œuvre. Mais dans cet ensemble, une distinction ordonnait les choix et les tarifications, la distinction entre la valeur des matériaux employés et l'habileté technique du peintre. Et cette distinction est omniprésente dans les débats de la Renaissance sur la peinture et la sculpture, et elle distribuait les positions sur un axe allant de la condamnation de l'emploi de matériaux trop rares et la condamnation de l'emploi dispendieux de matériaux trop rares, qui était supposé octroyer de la noblesse aux œuvres de manière artificielle. Ça, c'est une des positions extrêmes. Et l'autre, c'est la condamnation d'une exhibition excessive et potentiellement immorale de l'habileté par le peintre. Autrement dit, la condamnation de la virtuosité gratuite à l'autre extrême. L'évolution que retrace Baxandall, c'est celle de l'inversion des facteurs de prix. Progressivement, la consommation ostentatoire d'or et de bleu outre-mer perd son importance, à la fois parce que ces matériaux commencent à se raréfier, donc deviennent de plus en plus chers, mais aussi parce que les commanditaires se font concurrence et que cette concurrence entre les commanditaires ou entre les mécènes s'oriente vers le facteur numéro un, c'est le facteur talent. C'est par là que les commanditaires aussi peuvent démontrer leur distinction et leur excellence. La consommation ostentatoire se dirige, dit Baxandall, vers l'habileté technique du peintre qui prend le dessus sur la valeur des pigments précieux. Comme l'indique Baxandall, dans cette partition entre les matériaux et la technique à mettre en œuvre, le talent, en fait, a un prix qui est assez facile à déterminer. C'est la quantité de travail qui est réalisée par la main même du peintre, quantité de travail qui est rapportée à la quantité totale de travail nécessaire pour réaliser l'œuvre et donc dont une partie peut être déléguée à des assistants dans l'atelier. C'est cette différence entre ce que fait le peintre lui-même et qui s'engage à faire contractuellement et ce qui doit être fait par ses assistants, c'est cette différence qui est l'équivalent prix du talent. Autrement dit, un prix de l'autorité à la fois technique et de la responsabilité de conception, de supervision et d'accountabilité du maître sur ses assistants et ses subordonnés. Et donc le talent est à la fois un savoir-faire technique supérieur du maître et un différentiel du reste d'amplitude qui peut varier au sein de l'équipe des peintres, puisqu'on voit dans certains contrats que tel assistant qui est devenu plus qualifié ou qui a acquis une meilleure réputation d'un projet à l'autre obtient une rémunération supérieure. On peut donc en fait procéder à un long inventaire de qualifications et d'évolution de qualifications du talent, autrement dit un inventaire de toutes sortes de caractérisations de qualités esthétiques, cognitives, psychologiques, comportementales et sociales associées au talent. Mais l'analyse historique nous indique, et en termes assez simples, qu'un principe de commensurabilité s'est imposé au-dessus des critères de quantification directe par des matériaux, par la quantité de figures à peindre, etc. Ce principe est celui du talent du peintre, qui ne peut être estimé que par sa position dans une hiérarchie de production. Il est au sommet de l'équipe, et c'est lui le patron, cette fois-ci dans un autre sens. Ici, j'ai fait figurer une citation que j'ai emprunte à Baxandall, qui est tirée du livre et qui est tirée d'un contrat qui est passé avec le peintre Luca Signorelli, qui a reçu la commande de fresques pour la cathédrale d'Orvieto. Et le contrat précise que le peintre est tenu et promet de peindre 1. Tous les personnages prévus sur la dite voûte, 2. Spécialement les visages et tous les détails de la moitié supérieure de ces personnages, la figure humaine et par la convention esthétique majeure de l'époque, de toute façon la partie la plus précieuse de l'œuvre, et qu'aucune peinture ne sera exécutée en dehors de la présence de Luca lui-même. Donc c'est un contrat sur la supervision. Et il est convenu que tous les mélanges de couleurs seront faits par le dit maître Luca lui-même. Donc vous voyez qu'on veut extraire du peintre des dispositions ou des pratiques de contrôle et d'implication directe de bien des manières. Comme l'indique Baxandall, ce n'est pas avec de l'or que le client entendait maintenant conférer de l'éclat à son tableau, mais en achetant du savoir-faire, bref, en achetant la main du maître. Il semble, dit-il, que le client du XVe siècle ait voulu de plus en plus marquer son opulence par sa qualité spécifique d'acheteur de talent. Cette évolution est tout simplement celle de l'individualisation croissante du travail artistique, de la concurrence par l'habileté talentueuse et de la constitution de marchés de réputation qui sont dotés de vastes espaces de déploiement. Cette évolution, elle a lieu sur deux versants. D'abord, la construction progressive d'un monde professionnel des artistes, fondé sur une compétition ouverte et non pas régulée par des guildes, en tout cas dans certains espaces, et sur l'individualisation des réputations. Et deuxièmement, la constitution d'un monde d'amateurs et d'acheteurs éclairés qui exercent leurs préférences à partir d'espaces de comparaison et d'évaluation ouverts par l'individualisation de la production artistique et qui sont attentifs aux réputations des artistes en concurrence. Un autre travail remarquable aussi d'Antoine Schnapper sur le métier de peintre au grand siècle, c'est-à-dire au XVIIe siècle, qui montre comment les systèmes, les institutions ne parvenaient pas à contrôler le travail des peintres, que le système était toujours fait d'arrangements qui débordaient complètement une histoire, ce qu'on pourrait appeler une histoire institutionnelle de l'activité, c'est-à-dire d'un côté les corporations s'arrangent pour bien réguler les entrées dans le métier, la progression dans le métier, l'allocation des tâches et des emplois, tout ça ne tient pas. Et surtout en contexte de croissance des effectifs, et l'Académie elle-même, en gros, n'est pas du tout un modèle totalement rival de l'autre, mais emprunte à la maîtrise, ce qui s'appelait la maîtrise de Saint-Luc, c'est-à-dire la corporation, elle lui emprunte tout un ensemble de traits, ne serait-ce que pour la concurrencer plus efficacement et pour permettre aux peintres, en réalité, de jouer sur les deux systèmes. Donc, c'est une leçon intéressante, mais je la résume très rapidement, parce que sinon je n'ai plus le temps. La leçon que j'en tire, c'est celle-ci. Les schémas institutionnels et la description historique de grands mécanismes d'organisation de la vie artistique ne disent rien de la réalité des arrangements. Et ces arrangements, ils sont liés précisément à un certain nombre de propriétés des domaines artistiques qui sont ceux d'un maintien d'un niveau suffisant de variabilité dans le système de travail et dans les échanges, dans les négociations et les conventions de travail. Le Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Menger, la question du talent dans les arts et les industries créatives. J'en reviens maintenant à l'ouvrage de Baxandall parce que je vais examiner l'autre versant qui est celui des évaluations et pour y déceler les mêmes problèmes de variabilité et de flou nécessaires en quelque sorte. Alors, je m'intéresse ici à la relation entre les catégories d'évaluation et la concurrence entre les artistes. Ce qui est intéressant dans Baxandall pour moi n'est pas exactement la même chose que ce que Bourdieu a trouvé dans Baxandall aussi. Il le cite beaucoup dans Les règles de l'art. Et l'ouvrage a d'ailleurs été traduit en français par Yvette Delceau, une collègue de l'École des hautes études en sciences sociales, qui a été une très proche collaboratrice de Bourdieu. Mais Bourdieu, lui, cherchait à, en quelque sorte, étayer sa théorie de la perception esthétique et de la perception de l'œuvre d'art. Ce qui, moi, m'intéresse plutôt, c'est ce qu'on trouve dans ce genre de travaux sur la relation entre donc catégories d'évaluation et compétition entre les artistes. Les catégories d'appréciation des œuvres sont le produit d'un principe. Les différentes caractéristiques qui sont prises en compte dans les jugements portés sur les œuvres et sur les artistes forment un ensemble qu'il est impossible de spécifier précisément. Et qu'il serait même dommageable de préciser complètement, si l'opération était possible, la variété de ces critères et leurs interactions, qui peuvent donner lieu à des phénomènes de compensation, de multiplication, de soustraction. Cette variété des critères et leurs interactions ont précisément et principalement le pouvoir d'ouvrir le jeu des comparaisons classante et tâtonnante. Des travaux de Baxandall, je tire notamment toute une série de critères de jugement qu'il extrait des écrits d'un célèbre théoricien de l'art de l'époque qui s'appelait Cristoforo Landino, un savant et philosophe platonicien qui enseignait aussi à Florence au XVe siècle et qui a laissé des écrits sur les peintres, notamment ses contemporains à Florence, et qui cite toutes sortes de critères pour juger les œuvres et les artistes, et les évaluer. Pur, aisé, gracieux, orné, varié, prompt, enjoué, pieux. L'œuvre doit avoir du relief, elle doit manier la perspective, elle doit manier le coloris, la composition, la conception, les raccourcis, c'est un procédé technique. Il faut être imitateur de la nature, amateur de difficultés. Voilà, dit Baxandall, l'équipement conceptuel que propose Landino pour appréhender la qualité picturale du Quattrocento. Et évidemment, on pourrait former, on pourrait espérer ou supposer pouvoir former une table des catégories avec ce genre de critères, en disant, voyons comment ils se distribuent dans un espace systématique où on les mettrait en relation de complémentarité, d'emboîtement ou d'opposition ou de polarisation. Mais c'est certainement une voie qui est impraticable, parce que c'est la plasticité relationnelle qui fait le sens de ces catégories et qui fait que cette plasticité se retrouve dans chaque notion. C'est presque un schéma fractal d'identification de structures dans lesquelles on retrouve les mêmes propriétés à différents niveaux, au niveau le plus élevé et dans chaque niveau de composition de la totalité qu'on forme. Vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire ainsi. Par exemple, la facilité. La facilité, c'est un des critères. Et qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle résulte d'un talent naturel et de capacités acquises et développées, je cite, au travers de l'exercice. Mais bien entendu, on utilisait le mot avec beaucoup de liberté et de laxisme. L'agilité que supposait dans la pratique l'exercice de cette vertu, facilita, est l'une des qualités les plus appréciées de la Renaissance, mais elle était et elle est toujours difficile à définir avec précision. Voilà l'analyse de Baxandall. Ce même schéma de qualification avec une sorte de précision auto-limitative s'applique par exemple à cette autre qualité qui est très appréciée et qui s'appelle la grâce, gratia en italien, dont les divers écrits de l'époque permettent de donner une description sommaire, mais non de proposer une définition. Et Baxandall ajoute, avec son flair analytique et son érudition très pragmatique, on peut d'ailleurs se demander si une définition est souhaitable. Plus tard, au XVIe siècle, les philosophes et les théoriciens de l'art s'efforcèrent de définir la grâce en termes néoplatoniciens, et plus particulièrement de mettre en évidence en quoi elle diffère de la beauté, mais il n'en résulta que des propositions d'un académisme et d'une sophistication extrême. Autre qualité qui paraît aller dans le sens inverse, c'est l'amour de la difficulté. L'exécution de choses difficiles est valorisée comme une démonstration d'habileté et de talent. Mais ce qu'il en résulte dans certaines appréciations qui sont faites, par exemple par un écrivain du XVIe siècle, c'est ceci. Michel-Ange recherchait toujours la difficulté dans ses œuvres, tandis que Raphaël, au contraire, recherchait l'aisance, chose difficile à atteindre. Donc, on n'en sort pas. C'est un système de catégories avec des mécanismes de renversement extraordinairement flexibles. Donc, que les termes considérés séparément soient plastiques et flous ou qu'on les considère dans leurs interactions avec des coefficients de variabilité, c'est sans arrêt le même problème qui se pose. Quelles que soient les qualités identifiables chez les artistes et observables dans les œuvres, ces caractéristiques ne peuvent pas être définies au-delà de ce que sont des qualia, des qualités et non pas des quantités. Mieux, non seulement elles sont assorties de plages de variabilité, mais elles paraissent toujours pouvoir être élevées au rang de méta-règles. Par exemple, la facilité ou l'aisance ou la recherche volontaire de la difficulté, ce ne sont pas simplement des critères, ce sont presque des méta-règles, ce sont des manières d'agir, pour écarter le raisonnement en termes de critères séparables et pour permettre des interactions entre toutes sortes de variables qualitatives. Autrement dit, tout un ensemble de ces critères joue le rôle de liaison entre des critères. Et on trouve dans un autre contexte, cette fois-ci au XVIIe siècle, dans les principes généraux qu'a énoncé Félibien, qui est un célèbre théoricien de la doctrine académique de peinture au XVIIe siècle, les principes qu'énonce Félibien fournissent certes des systèmes de contraintes dans l'enseignement, hiérarchie des genres, primauté du dessin sur la couleur, étude du nu, travail en atelier, qualité du fini, imitation des anciens et de la nature, plutôt que des règles impératives non susceptibles de variations significatives, ils fournissent donc des systèmes de contraintes avec leurs variations possibles, mais Félibien introduit aussi un certain nombre de critères qui ne sont pas rationnels. Et ça, c'est un point essentiel. Ce caractère non rationalisable du noyau de singularité des œuvres. Autrement dit, il a à voir avec cet argument de l'origine extra-individuelle du fameux don qui est reçu à partir d'une causalité externe, d'une dotation de la nature ou de la divinité. Cet argument de l'origine extra-individuelle suggérait que quelque chose échappe essentiellement à la chaîne des causes et des raisons dans le travail et défie l'analyse rationnelle. C'est ce que les Grecs appelaient d'ailleurs « charis », c'est-à-dire, et le mot « charisme » vient de là, c'est-à-dire cette grâce, et que les Latins, comme les auteurs latins comme Cicéron et Pline, ont traduit par « venustas », et qu'on traduit par « beauté faite de grâce et de charme ». Et on en trouve des traces extrêmement précises dans des écrits du XVIIe siècle, comme ceux de l'abbé Dubost ou d'autres auteurs comme Bourg. je cite un extrait, pour que la beauté soit vraiment elle-même, il faut que lui soit conjointe la grâce, qui est la lumière de l'esprit dont le rayonnement vient transfigurer l'opacité de la matière. Et Félibien, dont je viens de parler, ajoute comme un critère, une dimension, quelque chose qu'il appelle le « je ne sais quoi ». Il y a un célèbre livre de Yankelevitch sur le « je ne sais quoi » et le « presque rien » qui date d'il y a quelques décennies, dont je ne me souviens à vrai dire pas, mais la catégorie du « je ne sais quoi », elle ne date pas de Yankelevitch, elle date de beaucoup plus tôt, et elle a cette propriété de définir l'indétermination essentielle de ce qui peut faire la valeur de l'œuvre et la difficulté de définir des règles du jugement de goût pour qualifier et calibrer la beauté. C'est en quelque sorte une dimension qui déjoue l'application de critères rationnels et, à vrai dire, des deux côtés du travail, du côté de la production, mais aussi du côté de l'appréciation. Et de fait, ce « je ne sais quoi » occupe une place tout à fait essentielle dans les écrits théoriques de Félibien, donc cet académicien. Il a même été membre de 4 académies au XVIIe siècle et donc codificateur de la hiérarchie de la théorie académique. Avec Félibien, on peut supposer en le lisant qu'on se croit dans l'empire intellectualiste de la production de la beauté par le gouvernement des règles. Mais l'exercice de la peinture déborde les règles si la beauté doit être accouplée à la grâce, à l'expressivité des œuvres, autrement dit à ce « je ne sais quoi » qui est la cause obscure et insaisissable de l'agrément et du plaisir que procure l'œuvre. Il en existe une autre version qui est associée au terme de l'expression. L'expression est un des critères qui a été employé dans toutes sortes de doctrines esthétiques. L'expression, c'est ce qui est corrélé au mouvement de l'âme et, en quelque sorte, à l'expression de l'intériorité des passions de l'artiste. Il y a une tentative qui est très connue, au moins dans le monde des historiens d'art, qui est une tentative qui a été faite par Roger de Pile, qui était un peintre, académicien et auteur d'un célèbre cours de peinture publié en 1709. Il a proposé ce qu'il appelle la balance des peintres. C'est-à-dire qu'il a pris un certain nombre de peintres, 56, et il a voulu les noter avec 4 critères, composition, dessin, coloris et expression. Et donc, De Pile évalue 56 peintres et attribue une note de 0 à 20 à chaque peintre pour chacun des critères retenus. De Pile ne veut pas additionner les notes. Les notes restent telles quelles. Évidemment, dès qu'on veut additionner, se posent des problèmes de pondération et de hiérarchisation des critères d'appréciation. En fait, quand il emploie cette critériologie et ces 4 critères, De Pile voulait lui-même prendre position dans une fameuse querelle qui opposait les tenants du dessin, qui était rangé derrière Poussin, et les tenants de la couleur, qui était rangé derrière Rubens. Lui-même se plaçait du côté des coloristes, donc du côté de Rubens. Cette opération de notation a suscité beaucoup de commentaires et d'analyses ultérieures qui ont cherché à vérifier ou à critiquer ou à contre-expertiser la méthode et les résultats et pour proposer d'autres classements avec le même échantillon ou avec d'autres échantillons. Et mes collègues, donc Victor Ginsburg et Sheila Weyers, ont publié des articles sur ce sujet, sur cette affaire de balance des peintres et le dossier critique. Le tableau complet est ici. Et là, pour le coup, Ginsburg et Weyers font l'addition et ensuite ils procèdent à toutes sortes d'opérations économétriques pour savoir de combien de lignes chacun des peintres disposait dans une série de sources, par exemple chez Félibien. Est-ce que la notice qui est rédigée sur tel peintre est corrélée avec la notation ou pas? Vous pouvez jouer avec ce genre de sources contrastées pour vérifier quelle est la pertinence de chacune des sources. Est-ce que les notices sont elles-mêmes efficace pour faire une hiérarchie des peintres à travers leur longueur, ce qui est une mesure possible de la qualité, ou bien est-ce qu'elles ne le sont pas et qu'est-ce qu'elles valent quand on les met en relation avec les notations que pratique Roger de Pile lui-même. Et puis, ils ont aussi regardé si les œuvres de ces peintres figuraient dans les collections royales, qui est une autre manière de donner un indice de qualité ou de valeur dans un système d'évaluation multicritère. Mais ce que je veux en tirer, ce n'est pas tellement l'exercice. Ici figure la deuxième partie du tableau, donc, qui est sur le même principe. Évidemment, il y a des surprises. Par exemple, je ne l'ai pas montré ici, mais Rembrandt est ici et Michel-Ange est assez bas. Il est bien mal en point dans cette hiérarchie, ce qui veut dire qu'il faut toujours rester modeste quand on est un contemporain des peintres qu'on veut évaluer. Mais ce que je veux en tirer, moi, c'est ceci. C'est la définition de l'expression. Parce que c'est un critère particulier, évidemment. Le coloris, la composition, le dessin, on peut leur donner des approximations. Mais le quatrième critère, évidemment, finit par déjouer complètement l'exercice. La définition, ou ce qu'en dit Roger de Pile, c'est ceci. Le mot d'expression se confond ordinairement en parlant de peinture avec celui de passion. Il diffère néanmoins à ce que expression est un terme général qui signifie la représentation d'un objet selon le caractère de sa nature et selon le tour que le peintre a dessein de lui donner pour la convenance de son ouvrage. Donc vous voyez qu'on est, on s'élève tout de même à des altitudes critériologiques assez singulières. Et la passion en peinture est un mouvement du corps accompagné de certains traits sur le visage qui marque une agitation de l'âme. Ainsi, toute passion est une expression, mais toute expression n'est pas une passion. D'où l'on doit conclure qu'il n'y a point d'objet dans un tableau qui n'est son expression. Ce serait ici le lieu de parler des passions de l'âme, mais j'ai trouvé qu'il était impossible d'en donner des démonstrations particulières qui puissent être d'une grande utilité à part. Il m'a semblé au contraire que si elles étaient fixées par de certains traits qui obligeassent les peintres à les suivre nécessairement comme des règles essentielles, ce serait ôter, et c'est ça que je surligne, à la peinture cette excellente variété d'expression qui n'a point de principe que la diversité des imaginations dont le nombre est infini et les productions aussi nouvelles que les pensées des hommes sont différentes. Et voilà le principe d'engendrement de la variété à partir du travail de l'imagination est consigné dans ce critère que j'appelle d'une certaine manière un métacritère et pas un critère. On ne saurait mieux définir la dimension de singularité d'une œuvre par un coefficient de singularisation qui exprime l'individualité de l'artiste, de son style et de son imagination créatrice. On peut trouver d'autres illustrations de ce que j'ai en vue, et notamment ce problème de définir l'indéfinissable, ce fameux je ne sais quoi, qui est d'ailleurs placé en position de corrélation avec la théorie du génie et qui conduit au même principe. Aucune règle ne permet de déchiffrer le secret du génie et de calibrer précisément la valeur ou les procédés de jugement des œuvres. Il y a dans les travaux, notamment dans un célèbre traité d'esthétique qui a fait date au XVIIIe siècle, en 1719. Ce traité est celui de l'abbé Dubos. Il s'appelle « Réflexion critique sur la poésie et la peinture ». L'abbé Dubos s'est proposé précisément de cerner cette clé du jugement qu'est l'indéfinissable, ce « je ne sais quoi » dont je viens de parler. Il passe à la fois par une analyse du jugement esthétique, mais aussi par une théorie du génie. Il donne explicitement une analyse du génie, le génie qui est singulier, original, créateur de valeurs absolument nouvelles, et qui s'oppose à l'artiste qui serait voué au labeur fastidieux de la copie. Comme dit Dubos, on ne trouve rien de nouveau dans les compositions des peintres sans génie, on ne voit rien de singulier dans leurs expressions. Ils sont si stériles qu'après avoir longtemps copié les autres, ils en viennent enfin à se copier eux-mêmes. C'est le pire de tout, à vrai dire. Voilà. Et Dubost ajoute, l'artiste, s'il ne fait que copier, n'est qu'un singe. Je vous donne ici une célèbre toile de Chardin qui peint le peintre en singe. Et vous voyez que le singe est ici, mais il est aussi sur le tableau. Autrement dit, en voulant reproduire une statue ancienne, qu'est-ce qu'il peint exactement ? Il commence à peindre une statue avec une tête de singe. Autrement dit, l'imitation ne mène nulle part, sauf à la stérilité et au ridicule qui est illustré ici. Mais le corrélat de cette analyse du côté de la production, c'est une analyse du côté des critères d'appréciation. Les critères d'appréciation sont ceux de ce qu'ils appellent à l'époque le goût. Et comment fonctionne le goût ? Le goût fonctionne non pas par l'apprentissage d'une prétendue science des règles. Le public n'est pas composé des doctes de l'académie, mais de façon tout à fait empirique, par essai et erreur, c'est-à-dire par l'esprit de comparaison et par le goût de la comparaison. Comme dit l'abbé Dubost, le public est donc borné aux gens qui lisent, qui connaissent des spectacles, qui voient et qui entendent parler de tableaux et qui ont acquis de quelque manière que ce soit ce discernement qu'on appelle goût de comparaison. Et ce point est essentiel parce que le goût de comparaison est évidemment placé sur le sentier du perfectionnement et de l'accumulation d'expériences. Donc le problème général qui ressort de ce développement est bien connu. C'est le problème qui est posé par l'énonciation de qualités qui créent des hiérarchies d'appréciation ou même dans leur application rigide sous forme de canons esthétiques enseignés et établis en doctrine, comme ça a pu être fait des préceptes de création. Mais en réalité, la précision de ces catégories est extrêmement variable. La marge d'interprétation ou la marge d'incertitude, pour parler comme Crozier, est élevée. Et l'interaction entre ces variables ne relève en rien de formules algorithmiques. Voilà. Merci de votre attention. Collège de France, vous venez d'écouter le 10 février 2017 le cours de Pierre-Michel Minger, La question du talent dans les arts et les industries créatives. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minger. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « La différence, la concurrence et la disproportion ». Sociologie du travail créateur. La même année a été édité en poche en point seuil son ouvrage « Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain ». Plus récemment, il a dirigé avec Simon Paille aux éditions du Collège de France « Big Data et traçabilité numérique, les sciences sociales face à la quantification massive des individus ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Myril Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête autour de la notion du talent et du génie en compagnie de Pierre-Michel Minger. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.